Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast il est soutenu par la NEF, c'est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Et donc c'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent et transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. On va parler de transparence aujourd'hui d'ailleurs. Elle m'a permis d'interviewer plein de projets qui participent aussi aux 2030 Glorieuses et je suis fier d'être soutenu par la NEF, donc vous aussi. Soyez fiers de votre banque, ouvrez un livret NEF, ça c'est fait. Aujourd'hui, je reçois un homme qui a décidé d'arrêter de rafistoler un modèle économique à bout de souffle pour en bâtir un nouveau au service du vivant. Thomas Brozard, tu es le co-dirigeant de Nurcis, une entreprise de 750 environ salariés, j'ai vu ça là sur les chiffres que vous publiez, qui est devenu un véritable laboratoire du vivant. Vous parlez de perma-entreprise et ce concept, il permet de prouver chaque jour qu'on peut être rentable tout en étant régénératif et coopératif. Tu es aussi une figure de proue de l'engagement collectif, notamment via B Corp, etc. On va pas faire ton CV parce que sinon c'est 45 minutes qui viennent de s'envoler. Ensemble, on va voir comment l'entreprise peut cesser d'être une machine à extraire pour devenir un levier de transformation systémique. Bonjour Thomas. Salut Julien. Est-ce que cette présentation te va? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux compléter puisque je sais que ton CV il bouge vite. Il bouge, il est vivant et c'est tant mieux. Peut-être que tu peux préciser, on peut préciser que je suis un jeune et heureux papa d'une fille de 4 ans à qui j'ai ouvert un livret à la NEF lors de sa naissance parce que je m'aligne avec la description que tu as faite de la NEF et du fait qu'il faut absolument que notre argent serve à autre chose qu'à extraire. Un message d'humilité face à ce que tu as dit, on essaie de nous donner toutes les chances pour que cette entreprise familiale qu'a créée mon père, au-delà d'être un laboratoire du vivant, fasse la preuve qu'on peut basculer dans une autre logique. Pour autant, il y a plein de limites et de difficultés face à ça, et ça, je veux le préciser tout de suite. Par exemple, sur la régénération, on fait des services numériques, et donc de facto aujourd'hui, notre dimension régénérative sur le modèle d'affaires, elle est parfaitement contestable, et c'est tant mieux. Du coup, on essaie d'innover bien au-delà du modèle d'affaires sur d'autres dimensions de l'entreprise que je vais développer. Mais ce qui me fait lever le matin, c'est que en fait, je suis en rage contre le monde que j'observe et le comportement du monde économique qui dégrade du social et de l'environnemental pour créer de la richesse financière. Et je veux absolument contribuer à autre chose. Et j'ai la chance d'avoir chez Nurcis un super terreau fertile pour innover, de le faire vivre au-delà, B Corp et puis Impact France aussi, qui vise à devenir ce mouvement patronal d'envergure alternatif, engagé et dans lequel je m'investis pas mal. Ouais, qui œuvre tous les jours à ridiculiser ce bon vieux MEDEF. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on puisse coopérer demain pour que le MEDEF aille vers des modèles plus soutenables et plus justes aussi. Hein. C'est pas de pas s'opposer choix, systématiquement ouais, parce sûr. Que ça deviendra une évidence parce que les citoyennes et les citoyens le demanderont. Merci de cette précision. Tu mets le ton tout de suite. Tu donnes le ton de cette interview. Ça fait longtemps que j'ai envie de te donner la parole dans le podcast 2030 Glorieuse parce que quand on parle d'entreprises plus au service du vivant, en général, j'identifie des structures qui sont plutôt, je sais pas si c'est vraiment le mot, à taille humaine, un petit peu plus petites. Et puis notamment, tu vois, quand on associe ces notions de perma-entreprise qui vient donc de permaculture ou comme même si tu le dis avec beaucoup d'humilité que c'est pas évident, de régénération, on s'imagine arriver dans une ancienne friche avec du bitume qui a été pété, des plantes un peu de partout et une activité qui est en lien direct avec le vivant, à savoir, je sais pas, une scierie, quelque chose qui travaille dans l'alimentation. Moi, je suis dans des bureaux qui sont pas très loin de la Part-Dieu à Lyon, dans une entreprise qui pourrait sembler être un peu classique, même si là, tout de suite, on s'est baladé un peu et il y a plein de détails, moi, qui me sautent aux yeux. Et donc, on pourra, si tu veux, en reparler. Mais voilà, c'était aussi intéressant pour moi de faire ce bond dans une grosse structure et de montrer que on a plein de personnes qui contestent un peu ces modèles et qui osent, quel que soit quel que soit le domaine, quelle que soit la taille. Donc c'est pour ça que je suis content de t'interviewer. Bah merci. Et puis moi je suis très content d'être avec toi parce que en 2018 il y a un livre qui a un peu changé ma vie qui s'appelle Ça commence par moi. Donc je te remercie d'avoir contribué à ce que je fais aujourd'hui parce que je pense que ça a vraiment été déterminant. D'abord d'un point de vue perso, puis après ça a basculé dans le domaine pro. Sur ce que tu dis par rapport aux tailles d'entreprise, il y a une réalité aujourd'hui. C'est que les sociétés à mission, les sociétés certifiées B Corp, qui n'est pas parfait, mais aujourd'hui, en termes de difficulté d'accession pour une certif RSE, reste très solide. Ce sont, pour 75% des cas, des boîtes en général qui ont moins de 50 salariés et qui sont souvent nées il y a moins d'une dizaine d'années pour concevoir, développer produits et services soutenables. Donc en effet, des ETI comme Norcis de 700 et plus salariés sont... Entreprises de taille intermédiaire. En l'occurrence familiale et indépendante, et c'est bien pour ça qu'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses que d'autres n'engagent pas, mais malheureusement il n'y en a pas suffisamment. Et souvent quand on cite des entreprises qui ont une reconnaissance pour un niveau d'engagement supérieur à la moyenne, souvent en termes d'ETI ou de grands groupes, il y en a quelques-unes et ça s'arrête. Et c'est bien le problème, c'est pour ça que nous, quand on a inventé la perma-entreprise pour continuer à réinventer Norcis, on s'est dit faut pas le garder pour nous, on en a fait un bouquin avec une méthode pour que n'importe quelle entreprise puisse se lancer, parce que maintenant tout le monde sait qu'il y a un problème, les modèles d'affaires tanguent de plus en plus et donc de plus en plus d'organisations sont en quête de solutions. Maintenant, il y a un autre problème, c'est le partage du pouvoir et de la valeur. Et moi, c'est là-dessus que je veux me battre dans les années qui viennent parce que je pense que c'est là qu'il faut absolument aller. On en reparlera. Je te pose quand même une première question qui n'a rien à voir, ou en fait tout à voir. Dans le podcast 2030 Glorieuse, cette année, je veux en particulier redorer le blason du rêve. Et donc, plutôt que de poser la question de toi, tu fais quoi dans la vie en attendant une réponse liée à ton métier, et même si tu as déjà un peu joué le jeu avec ce contre-pied de dire que t'es papa et qu'en fait, il n'y a pas que ton métier qui te définit, j'aimerais bien que tu me racontes quelle est la place du rêve dans ta vie, puisque le constat, c'est de dire qu'en fait, l'avenir, il ne doit pas être géré. Il doit être rêvé pour ensuite advenir. Toi, tu... T'es un grand rêveur, comment tu te décrirais ? La dépression sans rêve, c'est très dangereux. Et moi, je pense que d'une certaine manière, en moi, il y a un état un peu dépressif face à l'état du monde. La chance que j'ai, c'est que j'ai accès à ces champs des possibles, mais qui sont parfois du domaine du rêve, pour construire autre chose. Et je l'ai déjà dit un petit peu par rapport à Narcisse. Ce qui me fait rêver, c'est que y ait une émergence citoyenne qui fasse qu'il y ait une pression sur la puissance publique et sur le monde des entreprises pour évoluer réellement, sur plus de justice sociale, plus de soutenabilité de nos modes de vie. Ce qui me fait rêver, c'est qu'on est en chemin chez Norcis, et donc que ce n'est plus qu'une utopie, c'est une utopie qui devient réaliste, et là je fais un petit clin d'œil au livre que je citerai plus tard dans le podcast. Et d'ailleurs, j'aime bien les oxymores. Ce qu'on essaie d'entreprendre ici, c'est une forme de radicalité souple, c'est-à-dire on a un modèle qui est radical, qui demande de se fixer des limites, et ça, du point de vue du monde économique, c'est absolument pas courant. Par contre, il y a une certaine souplesse pour aller vers cet idéal. Et le rêve, il est accessible que si on peut y arriver par petits pas. Et moi, c'est ça que j'essaie de mettre en œuvre aujourd'hui. Donc voilà. Et peut-être que j'ai un autre rêve un peu plus provocateur. C'est que un jour, une entreprise de très grande dimension, en France par exemple, une boîte du CAC 40, soit en redressement judiciaire parce que son modèle d'affaires ne sera tellement plus soutenable que plus personne voudra l'investir. Et donc, je pense que ce jour-là, ça fera un tel bazar que tout le monde se bougera beaucoup plus vite. Et tu es, on l'a un peu dit déjà, directeur de Norcis, tu as rapidement évoqué votre cœur de mission. J'aimerais bien que tu me racontes quand même comment l'entreprise que vous êtes, elle peut être permaculturelle et elle peut être une perma-entreprise. Je veux bien que tu m'aides à faire un peu ce grand écart parce que là, j'ai un peu l'impression d'être Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer. Ouais, t'as raison. Ouais, en grand écart entre deux camions. Le cœur de métier de Norcis depuis 32 ans, c'est né en 94, hein, c'est de concevoir des systèmes d'information sur mesure qui ne sont pas adressés par des éditeurs pour du coup servir tout type de besoins. Mais on choisit ces besoins, c'est aussi déjà ce qui fait qu'on n'est pas une entreprise qui essaie de se développer à tout prix. Historiquement, on le fait beaucoup dans le domaine de la santé et du social. Par exemple, avec l'assurance maladie, quand tu vas sur Amélie en tant que citoyen, en fait, derrière ça, il y a une énorme architecture numérique qui permet de fluidifier les informations, de les automatiser entre les agents de l'État, les professionnels de santé, les mutuelles, les caisses de retraite, etc. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, par exemple, ou pour prendre un autre exemple, avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou l'Office français de la biodiversité sur des solutions pour les métiers de ces organisations-là pour qu'elles puissent le faire plus efficacement. Dernier exemple qui est historique chez Nurcis, c'est le retail, parce qu'on est né dans les Hauts-de-France et qu'on a des grands retailers français qui sont basés là-bas avec lesquels on travaille. Ce qui nous anime beaucoup depuis 5 ans, c'est l'envie de créer un projet d'entreprise très mobilisateur pour les équipes, mais où chacune et chacun peut jouer un rôle. Et ça, c'est très difficile à faire en termes de conduite du changement. Quand tu fais de la transfo, moi j'ai fait 15 ans de conseil RSE, c'est peut-être là que c'est le plus difficile. Embarquer les équipes, c'est-à-dire que même quand tu as une direction qui se dit « allez, on y va », derrière, pour que ça ne vienne pas devenir totalement dissonant avec le vécu des équipes, c'est compliqué. Et quand on découvre la permaculture où tout est basé sur l'éthique, c'est-à-dire pas un dogme systématique, mais une adaptation de principe dans un contexte donné, c'est beaucoup plus souple pour les équipes. Et par ailleurs, dans le modèle permacole, tout est basé sur trois principes indissociables, prendre soin de l'humain, préserver la planète. Et le troisième, c'est se fixer des limites et partager équitablement les richesses. Et ça nous a tout de suite percuté en disant, mais en fait, ça doit être ça la base du nouveau modèle de développement de l'entreprise qui entrait dans une nouvelle ère. Mon père prenait progressivement du recul, une nouvelle direction prend petit à petit sa place. On veut écrire les 25 prochaines années, on veut rêver avec ça. Et donc, naît la Perma Entreprise qui aujourd'hui nous amène à innover à bien des égards. À innover en matière de gouvernance, on pourrait y revenir, hein, notamment avec la place de la nature aujourd'hui qu'on accorde dans la gouvernance de Nurcis. Qui a beaucoup fait parler. Qui a un petit peu fait parler. En tout cas, quand on voit qu'on a mis zéro moyen dessus, on peut dire que les retombées sont chouettes. qui peut être de l'innovation liée à notre univers métier. On pourrait y revenir, et c'est souvent là que c'est le plus difficile, c'est sur le modèle d'affaires, de l'innovation dans notre fonctionnement interne, dans nos processus d'achat, dans tout un tas de dimensions qui font qu'on n'est pas régénératif. Et aujourd'hui, aucune entreprise ne l'est réellement. D'ailleurs, même Patagonia dit dans son dernier rapport, rien de ce que nous faisons n'est soutenable. Parce que de toute façon, on transforme de la matière, on dégrade du vivant, on dégrade parfois de l'énergie humaine pour parvenir à produire un résultat qui soit satisfaisant pour les clients et créateur de richesse pour l'organisation. Donc tout ça est très complexe, mais je n'avais jamais connu un outil aussi puissant et utile pour transformer l'organisation que celui qui est devenue la permanente. Et donc, comme tu le dis, vous savez que c'est pour l'instant une tâche plus que complexe et ça ne vous empêche pas d'avancer. Parce qu'en général, on se dit, mais en fait, c'est tellement compliqué qu'on n'y arrivera pas parfaitement. Et donc, parce qu'on est imparfait, alors on préfère ne pas se mettre en mouvement. Vous avez fait de cette imperfection une source permanente de remise en question et vous faites du mieux que vous pouvez. Là, notamment, on parlait de cette entrée au capital, hein, si je ne dis pas de bêtises, de la nature. Et je veux bien que tu me racontes comment, à chaque fois, vous dites comment on peut aller plus loin, comment aller plus loin, comment on arrive à ne pas se satisfaire de l'existant, alors qu'on entend souvent, mais en fait, dans la bouche d'autres entreprises, en fait, les autres font pire, donc moi ça va, alors que vous voulez faire mieux. Non, on le fait d'abord par conviction. Bon, après, il y a le parcours des individus, celui de mon père qui a fondé la boîte, qui a été président de Greenpeace, donc tu as un dirigeant qui est un petit peu singulier déjà. La façon dont moi je suis venu aussi contribuer progressivement à ce que, par exemple, la dimension environnementale soit plus structurée au sein du groupe, etc. Mais au-delà de nos convictions, il y a le constat que de plus en plus tout ça nous offre une stabilité à maintenir une certaine idée de la performance, y compris financière. Par exemple, dans un secteur qui pour la première fois est entré en décélération, en décroissance, le service numérique, tout est absorbé par l'IA, il y a un contexte géopolitique, des contractions budgétaires. Pour la première fois, le marché est entré en décroissance et nous, on va faire une année, a priori, ISO en 2025, là où, a priori, la majorité des concurrents vont perdre une partie de leur chiffre d'affaires. Donc, je vais essayer de te traduire au fur et à mesure pour les gens qui nous écoutent et qui ne viennent pas de ce milieu. Une année ISO, c'est une année stable. Une année stable, c'est-à-dire qu'on va faire un chiffre d'affaires équivalent par rapport à l'année précédente, là où le marché ferait moins de 2%. Et ce, en renonçant à certains types de projets ou d'opportunités qu'on aurait eues, donc on aurait sans doute pu faire encore plus en réalité. Donc on le fait par conviction, mais aussi parce qu'on constate que sur la performance économique, sur le turnover par exemple, on a un turnover qui est parfois trois fois inférieur à nos concurrents. Donc trois fois moins de personnes qui quittent l'entreprise, qu'il faut renouveler, qu'il faut reformer, qu'il faut... Donc tout ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la, ce qu'on appelle aujourd'hui la robustesse de Norcis. C'est-à-dire que face à des fluctuations, face à des crises multiples qui se superposent maintenant les unes aux autres, on arrive à garder de la sérénité, de la stabilité. Ça a une valeur inestimable, y compris du point de vue de l'actionnaire que je suis aussi. Parce que tout ça, c'est ce qui fera le fait que Norcis, à 5, à 10, à 20 ans, je l'espère, restera un actif et un patrimoine qui aura de la valeur. Ouais, tu réponds aux deux questions que j'allais te poser. Tu l'as un peu dit, peut-être que tu as envie de développer sur qu'est-ce que ça veut dire pour un salarié de bosser dans une permanente entreprise, donc de la fierté, et donc moins envie de mettre les voiles et peut-être d'autres choses. Et puis moins d'injonctions. C'est-à-dire que les individus qui sont ici, qui sont des citoyennes et des citoyens, qui ont des niveaux de sensibilité plus ou moins forts aux enjeux sociétaux, se rendent bien compte qu'ici, ils contribuent à un projet qui est beaucoup moins source de dégradation, d'inégalité, de destruction du vivant, un alignement. Même si parfois les projets qu'ils réalisent ne sont pas directement connectés à cela, on a des chiffres assez incroyables parfois sur la fierté d'appartenance, sur l'enthousiasme à venir travailler, etc., qu'on mesure tous les deux ans. Donc ça me donne beaucoup de confiance et des retours des salariés qui sont... pas tous soucieux de cela, mais pour ceux qui le sont, vraiment chouette. Et en fait, maintenant, notre objectif, ce sur quoi il faut qu'on arrive à aller, c'est un alignement progressif du portefeuille de projets que l'on réalise, à accélérer sur la façon de concevoir des services numériques pour qu'ils aient le moins d'impact possible, à contribuer à l'allongement de la durée de vie des infrastructures, des équipements numériques qui consomment beaucoup de ressources, et puis à créer les conditions pour qu'une fois qu'on a essayé de travailler au mieux sur notre propre copie, on contribue plus largement à un univers numérique plus soutenable, parce qu'on va restaurer des zones qui, de par le monde, sont dégradées fortement par les extractions de minerais, de terres rares, etc. Le but, c'est pas de dire il faut supprimer le numérique et dédigitaliser l'intégralité de nos vies, parce que je suis pas tant certain que ce serait un progrès pour l'humanité. Il y a plein de bénéfices qu'on a tirés de la digitalisation. Par contre, il faut mettre des grosses limites. Faut pas foutre de l'IA partout. Faut arrêter de vouloir tout digitaliser. Faut être capable de dire parfois ça marchait très bien sans digital. Et parfois c'est ce qu'on peut être amené à dire à des clients aussi. Hein. Voilà, nous on essaie de jouer ce rôle d'équilibriste entre des technologies et des ruptures dans nos modes de vie qui ont pu avoir de la valeur, y compris social, mais attention à une espèce de technosolutionnisme qui nous envoie vraiment dans le mur, attention aux réseaux sociaux qui ont délité les liens sociaux. Je pense que toi tu es sensible à ces discours là, mais parfois c'est presque contre-intuitif d'être une entreprise du numérique qui peut être amenée à dire à des clients ne faites pas ça, mais nous on se l'autorise parce qu'on veut pas croître à tout prix. Notre modèle, la PERMA, c'est de concilier pérennité économique et enjeux sociétaux, et donc ça nous amène à dire il ne faut pas chercher à tout prix à maximiser le profit. C'est souvent un des fils conducteurs, ou en tout cas quelque chose que je retrouve dans la bouche des personnes qui entreprennent pour le vivant, pour le dire un peu plus simplement. C'est rare que je dise ça, mais je trouvais que la définition de Jacques Attali aussi sur le camp de la mort et le camp de la vie, il pouvait aussi être un peu simpliste, mais assez représentatif de la place des entreprises dans le monde qui vient, et d'entendre des gens qui disent en fait nous on a su dire non à tel client, à tel projet, je trouve que ça fait partie aussi de cette rengaine qui revient souvent dans le podcast 2030 Glorieuse, et pour moi c'est un marqueur fort en fait. Tu sais, dans les petites anecdotes toujours intéressantes, parce que tu parlais de signaux faibles en introduction, moi j'espère que ces signaux ils vont être de moins en moins faibles, mais quand t'as un appel en transe qui arrive très rarement d'une boîte qui dit je veux bosser avec vous parce que j'ai vu votre modèle de gouvernance sur la nature, mon activité est autour de la transition, c'est évident qu'on doit œuvrer ensemble. Ça crée de la valeur pour le groupe. Parfois on a des acteurs d'intérêt général qui viennent à nous en disant bien c'est vachement intéressant comment vous fonctionnez, on se demande si on pourrait pas s'en inspirer pour trouver des leviers pour que, même si nous on parle pas de chiffre d'affaires, notre modèle économique en tant qu'acteur d'intérêt général soit plus robuste, parce qu'aujourd'hui on a des problèmes d'accession à des financements publics. Mais justement, c'est une question, je me permets d'interrompre Thomas, mais toi en tant que dirigeant tu disais t'as pas à gérer le gros turnover de tes équipes, et pourtant j'ose pas imaginer ce qu'il y a sur les épaules d'un dirigeant comme toi, même si t'es bien épaulé, même si t'as une super équipe. J'ai l'impression quand même que tout le temps que tu gagnes, que tu économises, parce que vous avez cette robustesse, parce que vous avez cette fierté, vous avez cet alignement, tu le mets au service d'autre chose, et notamment d'inspirer, de partager et de transmettre ces bonnes pratiques pour que ça soit pas juste vous qui soyez les seuls capables de dire regardez comment on fait bien, les autres vous êtes nuls. Oui, parce que j'ai en tant qu'individu un rôle d'actionnaire, un rôle de membre d'une direction. Alors je dis membre d'une direction parce que j'ai une directrice générale qui porte beaucoup d'aspects opérationnels au sein de la direction groupe, et j'ai la chance qu'elle soit très investie dans le projet d'entreprise, parce que moi ça me permet ensuite d'allouer une partie de mon temps, en général ça tourne autour d'un quart, un tiers de mon temps, au-delà de Narcisse. Parce que ce qui me fait lever le matin, ce qui me fait rêver, c'est que Narcisse devienne une preuve tangible qu'une entreprise qui n'est pas née d'une idée de durabilité, qui n'est pas née il y a moins de 10 ans et qui fait pas moins de 50 salariés, taille critique, etc., arrive à transformer le modèle, arrive à conduire le changement et le faire efficacement. Mais au-delà qu'après, ça joue d'une influence sur d'autres pans de l'économie. C'est pour ça que je me suis impliqué dans le mouvement Bicorp, parce que ça faisait 30 ans qu'il y avait de la RSE, avec des beaux rapports et des grands discours où tout le monde était plus responsable que l'autre, mais en fait le monde continuait à aller mal et le monde économique continuait à le dégrader fortement, donc c'est qu'il y avait quand même un manquement dans la promesse, et qu'il fallait du coup des preuves sonnantes et trébuchantes, et c'est là que Bicorp je trouvais fort sur la preuve qu'il apporte de l'impact généré, l'impact positif des modèles d'affaires et les impacts négatifs, les externalités de ces modèles. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est l'outil le plus puissant pour le mesurer. Et que maintenant, je m'investis de plus en plus dans Impact France parce que je pense qu'il faut une voix collective. Il faut des dizaines de milliers d'entrepreneurs, de dirigeantes et de dirigeants qui s'alignent. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur l'idée que pour une société plus juste et plus soutenable, qui ne peut être que source d'un mieux vivre ensemble, et donc source d'un rêve collectif, je pense, qui est le plus évident qui soit, même si ce n'est pas le récit médiatique le plus présent, on arrive à s'aligner ensemble pour jouer d'une influence sur la puissance publique, sur tous les citoyennes et citoyens qui aspirent forcément d'une façon ou d'une autre à ça, même s'ils ne le savent pas encore. On n'a pas beaucoup parlé de exactement vos activités, toutes les transformations que vous avez mises en place. C'est normal, parce que j'ai envie qu'on les extrapole quand on sera en 2030 glorieuse. Donc on va en notamment sur la gouvernance, je pense qu'on notamment va... Notamment sur la gouvernance, t'as raison. Mais j'ai quand même une dernière question que j'ai un peu twistée pour toi. D'habitude, je demande à mes invités quel rêve ils pourraient murmurer à l'oreille de l'humanité. Et moi, j'aimerais bien plutôt te poser la question du rêve que tu pourrais murmurer à l'oreille de ce qu'on appelait la nature à l'époque, du vivant dans son ensemble. Est-ce que... Je sais qu'on traîne un peu, mais on arrive. Tu vois, et en même temps, bon, moi, je suis parisien depuis 17 ans, donc je suis quand même très modeste sur mon lien au vivant. Hein, il est quand même relativement faible. Il y a tellement de sources d'inspiration du vivant. Maintenant, je pense que j'ai une qualité qui est que je suis à la fois connecté à des grands penseurs du rapport au vivant et connecté à des pans du monde économique qui en sont très loin, et c'est plutôt bien normal d'une certaine manière. Il faut être pragmatique, et je pense que la plus grande valeur ajoutée de ce qu'on a proposé avec le modèle PERMA, c'est pas une énième pensée idéologique, un énième modèle, comme il y en a déjà plein d'autres qui sont géniaux, c'est de le passer dans le champ du pragmatisme avec une méthodo pour concevoir des stratégies d'organisation, ça peut être entreprise ou acteur non lucratif aussi, hein, qui efficacement s'inspirent de cela pour penser leur avenir. Et donc on se doit d'être pragmatique. Moi, je suis habité par l'envie de mieux respecter le vivant, etc. Et ça vaut autant dans la vie pro que dans la vie perso. Mais pour que ça prenne dans le monde économique, il faut des preuves tangibles, il faut être capable de montrer que c'est des surplus de performance, que c'est moins de turnover, que c'est pas de rétro-pédalage sur la RSE. Il y a tellement de gens dans la RSE qui me disent en ce moment les budgets restreignent, le conseil aussi, le marché du conseil RSE fait moins 7% l'an passé, les budgets dédiés à la RSE dans toutes les grandes entreprises sont réduits. Oui, nous avec les 2030 glorieuses, on le voit tous les jours. Voilà. Hein, moi, quand je propose en début d'année à notre comité de direction de réduire un peu la voilure sur le budget dédié à l'environnement pour essayer de faire un effort dans le contexte que l'on connaît, qui même pour nous n'est pas si bon que ça, tout le monde me dit, non, faut pas le réduire ce budget. Il est trop important, il est trop. Les salariés, ils sont trop sensibles, ça crée de la valeur dans nos discours vis-à-vis des clients, on continue d'innover sur le champ environnemental, c'est un différenciant de Narcisse. Donc tu vois, c'est intéressant parce que c'est devenu tellement ancré que même quand celui qui porte le sujet propose de contribuer à l'effort collectif de réduction des coûts en taillant un peu tac, en fait le collectif, et franchement je l'ai testé un peu en le faisant, mais je m'attendais pas à ce que tout le monde dise non, faut pas le réduire. Donc ça montre bien à quel point on a réussi à intégrer des dimensions sociales et environnementales comme étant à la fois des marqueurs du projet d'entreprise, mais aussi qu'on a fait du coup la preuve depuis les années qu'on le fait que cela a une valeur pour le pilotage de l'organisation à l'échelle de nos agences avec des directions dédiées et puis au niveau du groupe. Et donc l'histoire que tu racontes depuis des années et des années, elle t'a dépassé. D'autres la sont appropriées, maintenant elle t'oblige. On va parler d'histoire justement parce que je fais la transition avec notre petit intermède lecture, qui est toujours le moment de respiration où l'invité vient avec un passage, quelque chose qui dans un livre lui ouvre une fenêtre vers des valeurs qu'il a envie de voir se développer là. largement 2030 Glorieuses. Je pense vraiment que les histoires qu'on se raconte, elles sont importantes dans le sens et dans le livre, dans les livres, il y a beaucoup de ces pépites qui montraient qu'en réalité, les 2030 Glorieuses, parfois, elles étaient déjà toutes autour de nous. Tu es face à moi avec un livre que je connais bien, Utopie réaliste de Rutger Bregman. Pourquoi ce livre et qu'est-ce que tu vas nous lire alors? Alors déjà, tu m'as un peu mis en difficulté parce que je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas un grand littéraire. Mais il y a, du coup, les quelques livres que j'ai lus m'ont beaucoup marqué, forcément. Bon, j'en ai quand même lu quelques dizaines, mais en tout cas, j'ai jamais été un grand lecteur. Et 2018, ça commence par moi, je me dis, il faut que je joue mon rôle. Ça commencera par ça, et ça commencera au niveau perso, et puis ça a beaucoup ruisselé ensuite dans le domaine pro. Et puis aujourd'hui, les frontières n'existent plus vraiment entre ma vie pro et ma vie perso. Et puis, un peu plus tard, il y a ce livre de Rutger Bregman, Utopie réaliste, parce que j'entendais beaucoup parler du fait que nos aspirations sociétales étaient en fait des utopies, surtout dans le monde économique. Et donc, quand je vois cet oxymore, tout de suite, il me percute. Bon, voilà, Rutger Bregman, c'est un historien, journaliste, donc le genre de type que moi, je fréquente pas du tout et qui ne m'intéresse pas beaucoup au départ. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que j'y suis allé, après avoir lu des livres beaucoup plus logiques, c'est-à-dire des livres sur la lutte contre le dérèglement climatique par des scientifiques, etc. Et il y a un autre truc qui se passe, c'est qu'en 2008, moi, je suis sur les bancs de l'école de commerce. Je commence à avoir des cours sur le marketing, sur le commerce international, etc. Et puis je me dis, bon, mais est-ce que tout ça a vraiment du sens? À quoi bon on le fait alors que je vois bien qu'il y a des problèmes que ça génère? Et puis survient le crack financier de 2008. Et je suis sur les bancs de l'école en cours de finance et on continue de nous parler des théories des marchés financiers, bullish, bearish, donc ça monte, ça baisse, tout va bien, on va faire de l'argent. Et je me dis, mais ça, c'est pas possible, ils sont complètement hors sol ces gens-là. Il y a des centaines de milliers de gens qui se retrouvent sans baraque suite à la crise des subprimes. Moi, je veux pas être de cette histoire-là, quoi. Et la dernière page de Utopie réaliste que je vous lis, du coup, dit énormément de ce qu'on a à faire et à entreprendre ensemble. Et à l'époque où il l'a écrit, on n'était pas encore en 2025 et 2026 avec Trump version 2 dopé au MAGA. Depuis l'avènement de l'ère Brexit et de Trump, de plus en plus de gens ont faim d'un Occident radical, à la fois à la xénophobie et aux inégalités. Fin d'une toute nouvelle carte du monde, fin d'une nouvelle raison d'espérer. Bref, fin d'une utopie. Pour terminer ce livre, je voudrais donc offrir deux conseils à tous ceux qui sont prêts à mettre en œuvre les idées proposées dans ce bouquin. D'abord, réalisez qu'il y a d'autres gens comme vous, un peu partout, des tas de gens. J'ai rencontré d'innombrables lecteurs qui me disent que tout en croyant absolument aux idées exprimées dans ce livre, ils voient le monde comme un endroit où règne l'avidité et la corruption. Ma réponse est « éteignez la télé, regardez autour de vous et organisez-vous. Chez la plupart des gens, croyez-moi, le cœur, il est vraiment au bon endroit. » Mon deuxième conseil, c'est d'avoir le cuir un peu plus épais. Ne laissez personne vous dire ce qu'il en est. Si nous voulons changer le monde, il nous faut être irréaliste, parfois déraisonnable, peut-être impossible. Rappelez-vous, ceux qui appelaient à l'abolition de l'esclavage, droit de vote des femmes, mariage pour tous, eux aussi étaient traités de fous, jusqu'à ce que l'histoire leur donne raison. Je pense qu'à peu près tout est dit dans cet extrait et dans la clôture de ce bouquin qui parle en fait de tout un tas d'utopies qui sont devenues réalistes sur le revenu universel ou sur d'autres sujets comme celui-là. Parfois, il va falloir peut-être savoir être un petit peu déraisonnable, être très créatif, être ingénieux, être résistant, croire en notre rêve et ne pas laisser la télé nous dicter ce que semble être le récit national parce qu'il y en a un autre qu'on est déjà en train d'écrire. Eh ben allez, c'est vendu. On a éteint nos télés, on est déraisonnable, on est ambitieux pour l'avenir puisque ça y est, on est en 2030 glorieuse, Thomas. Un exercice de pensée où on s'autorise pendant les 20 prochaines minutes à parler du futur au présent. Peut-être que tu es en 2032, en 2035, en 2038. Je sais pas si tu as besoin d'aller plus ou moins loin dans le temps pour voir émerger de vraies ruptures. C'est toi qui le décides. Tu peux nous le dire ou pas. Mais toujours est-il qu'il y a plein de choses qui sont à advenu. C'est pas cuit cuit les petits oiseaux, tout est résolu, on a du pain sur la planche, on se retrousse les manches tous les jours, on a encore des ambiguïtés, on a encore des imperfections, c'est normal, on est humain. Mais on sait que cette fois, voilà, c'est entre guillemets le camp du vivant qui l'a emporté et qu'on a compris qu'on avait effectivement tous et toutes la même envie de se relier à nous-mêmes, de se relier aux autres, de se relier aux vivants dont on faisait partie. Les jeunes en 2018, pendant les manifs pour le climat, avaient raison. Donc on va en parler au présent. Et moi, j'ai besoin que tu nous aides avec les mots que tu vas utiliser à nous donner le plus de billes, le plus d'odeurs, le plus d'images pour que les gens qui sont restés en 2026 à cette époque du Trump 2.0 dopé au MAGA, comme tu le disais, étaient très, très, très, très, très présents dans nos télés. On va raconter cet avenir, on s'y connecte. Je ne sais pas s'il y a besoin de fermer les yeux ou pas, mais toujours est-il que tu es, toi, en 2030 glorieuse. Tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois, Thomas ? Je vois moins de nuages, je vois un air un peu plus pur dans les grandes villes. Je vois des gens qui sont heureux du coup d'en faire partie et qui ont cessé de quitter les villes. Ça, c'est un premier point et ça passera tellement par les aspirations citoyennes libérées de ces récits oppressants de guerre, de crise et de MAGA que je vois déjà ça. Je vois plus de multimodalité, des bâtiments qui sont à la fois des logements et des bureaux et qui reconnectent justement de fait les citoyens au monde de l'entreprise. Souvent, ces citoyens et citoyennes sont d'ailleurs aussi des salariés de ces mêmes entreprises, donc tant qu'à faire, c'est peut-être pas totalement déconnant. Je vois des collectivités qui ont réussi à trouver des conditions pour réunir des citoyens dans des espaces de dialogue, et d'ailleurs ça on le vit aussi dans les entreprises. La démocratie s'est imposée dans le monde de l'entreprise et on prend des décisions en démocratie, c'est-à-dire en donnant voix au chapitre aux salariés, mais pas qu'aux salariés, en donnant voix au chapitre à la jeunesse, qui peut être dans l'entreprise ou externe, aux acteurs du dialogue social, à la nature, à des parties prenantes qui historiquement ont toujours été impactées par les activités économiques mais n'ont jamais eu voix au chapitre. Bah, tirons ce fil-là justement si tu veux bien. En 2030 glorieuse, la proposition de loi que vous aviez tenté de pousser à l'époque pour généraliser elle est déposée depuis 10 jours. La représentation de la nature au sein des entreprises, elle a enfin été acceptée. Qu'est-ce que ça change ? Et bravo pour ça. Elle a été déposée donc à l'initiative d'un député de Touraine qui s'appelle Charles Fournier. Tout ça est travaillé en concertation avec des assos ONG ça date, c'était à l'époque ça, légitime. Le projet de loi là il vient d'être déposé avec Notre Affaire à Tous, avec Earth Law Center, Fais gaffe, t'es à quelle époque là, tu parles de quand? Pardon, je suis revenu en 2026 parce que tu me ramènes à l'hyperactualité. C'est pour ça que moment. Je te disais, ça c'était à l'époque. Pardon. En 2026, donc, c'est donc, ça. Donc il y a 4 ans, on a déposé une loi à l'Assemblée. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on a fait un gros flop parce qu'en fait, l'agenda institutionnel n'était absolument pas compatible. Non seulement parce que la composition de l'Assemblée ne permettait pas d'avoir des espaces de dialogue sur ces sujets-là, mais parce qu'en plus, on était dans une campagne municipale puis présidentielle qui s'est avérée très chaotique et durant laquelle on a bien eu peur de voir certaines idéologies contraires à la justice sociale et à la lutte contre le dérèglement climatique obtenir de grandes victoires. Donc ce qui s'est passé derrière, c'est que justement par peur de voir définitivement s'installer cette idéologie au sommet de l'État notamment, il y a des mouvements qui se sont libérés, des paroles qui se sont libérées, des citoyennes et des citoyens qui se sont beaucoup plus engagés, une partie du monde économique aussi qui a décidé de sortir de sa léthargie en considérant que c'était pas le rôle de l'entreprise que de prendre position politiquement, et tout ça a permis de réouvrir un espace de dialogue, de redonner foi à toute la classe politique motivée et aux citoyennes et aux citoyens en cet idéal d'une société plus juste et plus soutenable. Et ce qui fait qu'en fait, 2 ans plus tard, on a pu enfin inscrire de façon sérieuse à l'agenda de l'Assemblée nationale cette proposition de loi pour que dans l'entreprise, la nature est voix au chapitre, mais pas que la nature. Ce que je te disais tout à l'heure, le dialogue social de façon plus ancrée, la jeunesse et peut-être d'autres types de représentations. Ça peut être par exemple la voix des femmes dans certains secteurs d'activité où elle est sous-représentée, ou inversement la voix des hommes, parce qu'il y a aussi des secteurs où la voix des hommes est très peu présente. Fait qu'il y a une diversité, une représentativité de ce qu'est notre pays qui a trouvé ancrage dans la gouvernance des organisations. Et ça a été initié parce que 2 années plus tôt, on avait provoqué un petit peu ou chatouillé les esprits en soumettant cette proposition de loi sur la nature devient partie prenante de l'entreprise. C'est bon, je me suis bien repris sur... c'est un couac et un aller-retour tout à fait normal, aucun souci. On a l'habitude et l'exercice que je te propose, il n'est pas évident. Donc moi, en fait, le fait qu'on l'ait pas petit aparté, mais le fait qu'on ne le prépare jamais, cet exercice, c'est hyper important pour moi parce que ça montre que c'est aussi un travail à faire pour tous et toutes. Et donc que toi, tu ne sois pas nickel parfait dans ta capacité de projection, d'une certaine manière, ça dédramatise et ça autorise les autres à s'y mettre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir ces allers-retours, donc merci même d'avoir buté sur cette projection 2030 glorieuse. Tu parles beaucoup d'entreprise, c'est normal, toi, c'est là où tu te positionnais et d'une certaine manière, j'ai envie de te chatouiller un peu avec ça. En 2030 glorieuse, les entreprises, elles sont aussi un peu revenues à leur juste place. Dans le monde d'avant, tout passait par l'entreprise. C'était le prétexte à tout. C'était la boussole. C'était l'endroit qui semblait occuper toutes nos vies, toutes nos conversations politiques. Mais même intimement, on avait l'impression qu'on était des ressources humaines avant tout. En 2030 glorieuse, les entreprises, elles ont retrouvé leur juste place. Et moi, j'aimerais bien t'entendre à ce sujet. Pourquoi c'est moins important aujourd'hui une entreprise dans nos sociétés ? Je ne sais pas si c'est que c'est moins important, mais c'est surtout que, en 10 ans plus tôt, en 2020, dans la loi Pacte, était introduite une idée tout à fait nouvelle qui était que l'entreprise pouvait contribuer à autre chose qu'enrichir ses actionnaires, ce qui est ce pourquoi existent les sociétés de droit privé en France dans le droit depuis 200 ans. La loi Pacte a introduit cette nouvelle idée que l'entreprise pouvait aussi se rendre utile à l'intérêt collectif, si ce n'est général. Donc en fait, je ne suis pas sûr qu'elles soient moins importantes, mais la juste place, oui, c'est-à-dire qu'elles continue de créer de la richesse, elle continue grâce à cela d'avoir des capacités d'innovation, de réinvention, d'investissement que n'ont pas les acteurs d'intérêt général, que n'ont peut-être plus parfois aussi les États. Et en France, en 2026, il y avait un énorme problème de déficit structurel du fonctionnement de notre pays, qu'on retrouvait d'ailleurs dans les débats qu'il y avait autour du budget et des projets de loi de finances. Donc tout ça, pour le résoudre, il fallait rééquilibrer un petit peu les choses, rééquilibrer le rôle que joue l'entreprise pour qu'elle ne soit plus uniquement créatrice de richesses et source de dégradation sociale et environnementale qui sont derrière refinancées par l'État, mais que tout ce petit monde fonctionne beaucoup mieux ensemble. Donc tu vois, c'est pas tant qu'elle est moins importante, c'est qu'elle a une place sensiblement différente. Et peut-être deuxième point majeur, c'est que la place centrale qu'occupent les entreprises, mais en fait c'est surtout la place centrale qu'occupent les employeurs qui rémunèrent le temps de travail pour nous permettre de vivre nos vies qui sont régies par la dépense et l'achat de tout un tas de produits et de services qui nous rendent très dépendants et qui parfois souvent ne nous permettent pas même d'être souverains. En 2026, il y avait d'énormes discussions sur la souveraineté numérique au moment où on s'est rendu compte que Trump pouvait du jour au lendemain couper nos services, nos smartphones, nos cartes bancaires. Et donc on a... Face à ce risque-là, qui a été crescendo, on a aussi repris un peu la main sur notre liberté d'agir, sur la souveraineté et parfois aussi sur une capacité à vivre en collectivité sans être régi constamment par des flux financiers. Les monnaies locales, par exemple, qui existent depuis déjà bien longtemps dans certains endroits, ont pris du poids post-2026 jusqu'à arriver dans ces 2030 glorieuses où nous sommes aujourd'hui et où il existe ici et là dans les territoires, dans les villes, et à Lyon comme ailleurs, des relations intéressées entre individus mais qui ne sont pas forcément régies par l'argent. Donc on a repris de l'autonomie, on a rapproché certains services, j'ai l'impression qu'on a aussi démarchandisé une partie de nos vies parce que plus de troc, parce que plus de partage, mais aussi parce que la nature elle a repris cette place centrale dans nos vies, de préoccupation, de proactivité, parce qu'on a besoin justement d'en prendre soin, de la préserver, de lui foutre la paix et de l'admirer, de la contempler. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de nos activités qui sont décorrélées du fait de sortir nos cartes bleues, qui consistent à réapprendre le nom des espèces d'arbres ou d'oiseaux, de contempler le miracle des fonctionnements écosystémiques. Et cette nature-là, elle n'est pas que importante dans les entreprises. Non, elle est rendue dépendante pour... D'ailleurs, d'après la Banque Centrale Européenne, 72% des entreprises européennes dépendent directement des ressources naturelles. Donc c'est dire à quel point, si elles s'effondrent, si elles disparaissent progressivement, c'était une alliée évidente, grosse partie du monde économique qui va avoir de sérieux problèmes. Et puis en réalité, sans elles, nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont. Sans possibilité d'aller au parc, de parfois voir des animaux, de voir du végétal, de boire de l'eau, c'est con, mais en fait on est tellement, on avait tellement perdu, et en 2026 c'était encore très vrai, la compréhension même de ce qui est absolument vital pour qu'on puisse vivre une vie non seulement douce, mais une vie tout court, qu'on a réussi par tous ces mécanismes-là à reprendre un petit peu conscience de ça et à ensemble prendre du plaisir à retrouver du lien avec les cours d'eau, les forêts, les oiseaux, etc. Comment vous avez continué à progresser, Narcisse, en 2030 Glorieux? C'est quoi vos dernières victoires, vos dernières fiertés? Comment vous avez réussi à plus vous rapprocher de la régénération? Comment vous avez fait encore évoluer ce concept de perma-entreprise? En fait, on s'est retrouvé face à un tournant 5 ans auparavant, autour de 2025, quand on s'est retrouvé face à un essor absolument fulgurant et incontrôlé des IA génératives, imposé par les grands donneurs d'ordre du numérique de ce monde, que peuvent être les GAFAM notamment, mais qui ont fait que dans tous les pans de l'économie, et y compris dans le monde du numérique, on s'est un peu retrouvé face à un carrefour. Est-ce qu'on va dans le technosolutionnisme et le tout IA, ou est-ce qu'au contraire, on pense qu'il faut y mettre un certain nombre de limites et on s'inscrit dans un numérique qui serait plus soutenable et donc plus robuste face aux fluctuations demain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des concurrents prendre le chemin du tout IA, tout techno, et puis guerre sur les prix, le monde capitaliste dans toute sa splendeur telle qu'il existe depuis longtemps. Et nous, ce choix de dire on veut être une entreprise de services numériques centrée sur l'éthique. Et donc, on ne réfute pas l'intérêt parfois de l'IA générative, on l'intègre, mais au bon niveau. On se soucie des deltas entre les impacts que pouvaient avoir nos activités avant et après, et peut-être que parfois il sera positif quand on aura mis de l'IA plutôt que de réunir des dizaines de personnes qui se sont déplacées pour se réunir pour produire quelque chose, etc. Et donc en fait, on se retrouve en 2030 avec un Narcisse qui a continué à se développer. Et se développer, ça peut être en termes de taille de salariés, de volume d'affaires, bien sûr, mais pas que. Aussi en termes de capacité à contribuer à un numérique plus éthique, parce que derrière, notre performance, elle ruisselle par le refinancement d'associations, par exemple, comme on le fait aujourd'hui avec la part actionnaire qu'aujourd'hui est la nature, qui a 10% du capital de Narcisse, mais qui en fait du coup récupère des dividendes pour refinancer ensuite des assos. En fait, tout ce qu'on a fait, ça a été de créer un groupe qui a une entité juridique lucrative et des entités non lucratives, un fonds de dotation et une fondation, qui coopèrent ensemble et globalement contribuent à un numérique plus éthique, parce que notre positionnement sur le marché nous a renforcés, parce qu'on a des clients qui ont voulu davantage bosser avec nous grâce à ça, parce qu'on a des nouveaux acteurs qui se sont retrouvés face à des enjeux majeurs éthiques, qui se sont dit le bon partenaire c'est Narcisse. Et donc on a continué à se développer en gagnant des parts de marché. Je continue d'utiliser parfois des verbatims très capitalistes, mais parce qu'il faut être pragmatique, mais parce qu'on a eu un positionnement qui était le bon, le juste positionnement, qui nous a différenciés de concurrents et qui a fait que des clients nous ont choisis. Et justement, aujourd'hui, vous êtes devenus des experts reconnus de ces permadialogues qui étaient un peu des controverses de l'époque où vous invitez tout un tas de parties prenantes pour se poser la question de stop ou encore dans l'utilisation du numérique, stop ou encore dans le déploiement de cette activité. Et donc, on a ces permadialogues qui sont ouverts au public où on peut participer et se demander si nous, on est pour encore plus de technologies, encore plus d'écrans plats, encore plus d'IA générative. Je précise que ce permadialogue que tu cites, il est né en 2025 de travaux que nous avions... Ah, c'est un vrai mot que vous utilisez déjà ? Ah, il existe. Ah, pardon. Ah, nous avons créé en 2025... J'étais tout fier de mon mot. Ah, moi, je pensais que tu le savais. Non, mais c'est excellent. En 2025, on a travaillé avec la CFDT pour créer des nouveaux accords du dialogue social basés sur le modèle PERMA. Et c'est pas encore très connu, on l'a pas encore beaucoup diffusé. À l'époque, on l'avait pas encore beaucoup diffusé. Mais l'idée, c'est d'inscrire dans le dialogue social, notamment des dimensions environnementales qui n'étaient que trop peu présentes, de se fixer des objectifs qui sont basés sur les fondements du modèle perma-entreprise. Parce que la CFDT a trouvé le modèle génial et s'est dit, il faut qu'on réécrive des accords qui seraient génériques et qui pourraient être demain déployés par tous les représentants du personnel qui sont chez nous. Donc en 2030, ça a pris une dimension nouvelle, ça s'est déployé dans beaucoup d'entreprises. Chez Narcisse, ils ont été effectifs dès 2026. Donc on a continué à piloter le dialogue social sur la base de ces nouveaux accords. Ce qui est intéressant, c'est que dedans, il y a une certaine idée du dialogue social et de la démocratie dans l'entreprise, mais qui a en fait un pendant dans la sphère publique. Et en fait, ça a notamment donné naissance à des conventions citoyennes qui se sont structurées autour de ces accords-là, parce que dans ces accords, il y a la place de l'humain, il y a la place du vivant, il y a la place de l'épanouissement personnel, il y a la place de l'épanouissement collectif, etc. Et donc finalement, il y a toutes les grandes dimensions qui peuvent régir la vie en communauté. Et donc ces accords de perma-dialogue ne sont pas utopiques puisqu'ils existaient déjà en 2025, simplement ils ont pris une dimension dans le monde économique et ils se sont même extirpés du monde économique pour prendre vie dans la sphère publique. Génial, et ça fait partie de tes activités de continuer à aller animer, promouvoir ces permadialogues. Donc je révèle un petit peu de tes tâches à toi, Thomas, en 2030 Glorieuse, mais j'ai quand même envie de savoir ce que tu fais, toi, en 2030 Glorieuse. Comment, si on devait répondre à des questions qu'on a ouvertes tout à l'heure, tu as réussi à remettre plus de place dans ta vie pour la nature. Qu'est-ce que ça veut dire d'être papa en 2030 Glorieuse? J'en sais rien, tu veux répondre? Ouais, comment en 2030 Glorieuse... Norcé, c'est une entreprise qui va bien et qui continue d'aller bien, dont je suis fier, mais sur laquelle je reste très impliqué pour continuer à faire la preuve qu'on peut fonctionner autrement. Simplement, dans un monde qui a malheureusement continué à se déliter un petit peu et face à des acteurs économiques qui ont trop tardé à réagir, le discours que l'on tenait depuis 2025, plus que jamais, est devenu très audible. Et donc, je suis beaucoup, beaucoup sollicité pour essayer d'enclencher des dynamiques dans d'autres organisations. Donc le plaidoyer à l'externe et l'activation d'autres modalités de fonctionnement dans les entreprises, notamment par le modèle PERMA, a pris une dimension nouvelle. Donc j'ai structuré une équipe autour de ça. Ah oui, t'as pas décidé de faire des hologrammes de Thomas Brozard alors? J'ai certainement pas cette prétention. Mais en 2030 glorieuse, ce que j'avais espéré et ce qui s'est un petit peu produit, c'est que des convictions qui étaient portées avec sincérité, sont devenues très audibles et donc les sollicitations ne sont plus que le fait de quelques entreprises par-ci par-là ou de communautés de personnes qui ont envie d'inventer un nouveau monde économique, mais aussi dans la sphère institutionnelle. Et donc on a des auditions à l'Assemblée, on a un plaidoyer très actif, on a un MEDEF qui a bougé, on a une CPME qui a bougé. En fait, on a un alignement progressif des acteurs et qui se sont dit un peu avant 2030, il y a quand même quelques personnes qui ont réussi à faire des trucs depuis un certain temps, qui sont légitimes vis-à-vis du monde économique, et donc c'est elles qu'il faut qu'on active, et donc j'alloue une partie de mon temps à ça, non pas étant convaincu que la solution est unique et que il faut flatter mon ego. J'ai beaucoup travaillé dessus, d'ailleurs il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué que je conseille, qui s'appelle Leadership sans ego. Je le fais pour servir une cause. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec la PERMA. Plus on peut autonomiser d'autres à le faire, mieux c'est. Et plus ils peuvent le porter eux-mêmes, mieux c'est. Donc moi, mon rôle, c'est d'être un espèce j'espère être un espèce de zizou de l'impact. Ça, c'est une blague que m'a fait quelqu'un que je connais bien il y a quelques temps. C'est-à-dire être un meneur de jeu qui crée des beaux gestes, crée des beaux projets, mais ensuite le fait pour mettre en lumière les autres et créer des dynamiques collectives pour les autres, et de temps en temps capable de mettre un petit coup de boule à quelqu'un qui dépasse les bornes, parce qu'il faut savoir quand même avoir un jeu un peu physique aussi de temps en temps. Ok, pour la métaphore je la prends. Et puis oui, effectivement, on travaille à être inutile, et le jour où on n'a plus d'activité, ça veut dire qu'on aura réussi. Il nous reste 2 minutes, je te pose les 2 dernières questions. Pour celles et ceux qui nous écoutent, dirigeants, salariés, futurs entrepreneurs, peu importe, et ils veulent que le modèle de la perma-entreprise ou s'inspirer de votre actionnariat de la nature, et ils font comment? Je leur suggère de lire le rapport sur la nature que vous avez sur votre site internet. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a un pas supplémentaire pour continuer dans ce sens-là? On a publié début 2026 le premier rapport dédié à la façon dont on est en train d'implémenter la place de la nature dans la gouvernance, et il se trouve que ça, c'est très lié au projet de loi qui a été donc déposé à l'Assemblée en 2026, qui prend 3 briques, la nature actionnaire, la nature administratrice et la nature syndiquée. Donc d'avoir de la représentation de la nature dans le CSE avec des représentants et un dialogue social qui a été réécrit pour ça. Moi, je pense que le premier pas le plus évident, c'est de dire dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle organisation et dans n'importe quelle instance, on peut commencer par désigner une personnalité externe qualifiée qui va venir jouer ce rôle de poil à gratter, dire mais qu'est-ce qui est ce que vous êtes en train de débattre et les décisions que vous apprêtez à prendre, quelles conséquences et quels impacts elles pourraient avoir sur la nature. Parce que la nature actionnaire, ça nécessite des pactes d'actionnaires, ça nécessite de se destituer d'une partie du capital, ce qu'on a fait pour Norcis, donc c'est un choix fort et que tout le monde ne sera pas prêt à faire. Mais regardez ce document parce qu'il décrit à la fois comment on peut faire et ce que nous on en a retiré à date. Ça peut être un premier pas, et puis il y en aura d'autres par la suite. Nous, on veut être très actifs sur le plaidoyer autour de la nature partie prenante, parce que ça, c'est vraiment le quick win le plus évident. C'est ce qu'il faut tout suivre peut commencer sur à les faire. Réseaux sociaux. Oui, et on partagera les rapports d'activité. Ça peut être de regarder, surtout que là, ces derniers temps, mes publications sont pas mal structurées autour de ce sujet-là. Donc oui, bien sûr. Et puis, télécharger ce document. On publiera bientôt des formes plus synthétiques, je pense encore. On fait un webinaire fin mars, donc il y aura tout ce qu'il faut. Dernière question en quelques secondes, si tu le veux bien. Tu as la possibilité là de lancer un défi à celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent avoir une permacarrière parce que en fait ils en ont marre d'être des simples gestionnaires de leur métier, de leur vie, des destructions. Tu veux en faire des alliés du vivant dans leur métier dès demain. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a un champ des possibles qui est très vaste. Je crois que la question, c'est surtout à se poser, c'est qu'est-ce qui peut percuter vis-à-vis des gens avec lesquels je coopère et je travaille. Il existe plein de modèles, tout ce qui est à dimension régénérative, les conventions entreprises climat, le modèle PERMA, il y a l'aspect CAFNOR sur l'économie régénérative, il y a plein de choses. Le truc, c'est que moi, je côtoie tellement de gens qui sont habités par une intention si pure qu'ils en parlent avec pureté, mais pas avec pragmatisme aux gens à qui ils s'adressent. Je donne un exemple. Moi, pendant longtemps, j'ai parlé de la PERMA en parlant de coopération, de régénération, de tous ces beaux principes. Maintenant, ça percute beaucoup plus quand je dis, voilà, Norcis, c'est une stabilité économique meilleure que son marché, c'est beaucoup moins de turnover que ses concurrents, et au niveau environnemental, j'en parle même pas. On est largement, largement devant. Et ça a créé de la performance et de la valeur pour le groupe. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai fait. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut commencer à faire, c'est à se dire, là où il y a un truc qui vibre en moi, quelle est la façon d'en parler qui va vibrer chez ceux à qui je m'adresse. Donc en fait, c'est surtout des questions de formulation des éléments de discours, d'éléments de langage, parfois d'un peu d'opportunisme. Donc, on transige pas sur son action, non, mais on s'adapte non, à la personne pas qui sur nous l'action, écoute. Mais on en parle avec un peu plus d'opportunisme parfois. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ça pour que, enfin, en face, les gens se disent, mais en fait, c'est pas juste un écolo de plus, c'est quelqu'un qui, en fait, qui a tout compris, qui a trouvé des solutions là où moi j'ai aussi des problèmes. Et donc, on essaie d'y aller ensemble et je me laisse influencer par cette personne. Merci Thomas. Merci beaucoup Julien. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. J'espère que cet échange a réussi à vous aider à mieux comprendre la puissance des rêves tout en vous donnant les clés pour passer à l'action sans attendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez un peu d'aide, vous pouvez rejoindre la communauté 2030 Glorieuse, qui est une véritable galaxie utopiste qui va vous permettre individuellement et collectivement de prendre soin de vos utopies. On a des ateliers qui sont organisés partout en France et aussi en ligne. Toutes les infos sont sur 2030glorieuse.org. Il y a aussi des livres, des méditations et plein d'autres épisodes de ce podcast qui existent depuis de nombreuses saisons maintenant. On ne veut pas seulement que vous écoutiez ce podcast, on veut que vous fassiez grandir cette galaxie utopiste avec nous. Et pour ça, moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment envie cette année que le podcast y redevienne une communauté à la hauteur de nos rêves. Et j'ai deux défis à vous proposer. Le premier défi, c'est que vous releviez le défi de notre invité. Ne laissez pas cette idée s'éteindre en même temps que cet épisode. Tentez son exercice cette semaine et racontez-nous votre expérience sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. Quelle image ou quel moment vous a fait basculer? Qu'avez-vous ressenti? Pour quel résultat? J'attends avec impatience vos messages et vos partages. Deuxième défi pour vous, devenez des ambassadrices et des ambassadeurs du rêve. Si cet épisode il vous a donné du souffle, alors dites-le moi. Laissez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est le geste le plus simple mais aussi le plus puissant pour aider ce podcast à toucher celles et ceux qui pensent encore que demain est foutu. Et bien sûr, partagez cet épisode à une personne à qui vous avez envie de dire « Regarde, on a encore le droit de rêver ». Chaque note, chaque partage, chaque défi relevé est un pas de plus vers les 2030 glorieuses. Merci d'être là, merci de muscler vos rêves et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle dose d'utopie. Salut !